علم أخير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم أخير فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور. Mes compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بإخواني وأخواتي خصوصا الذين خرجوا من بيوتهم جاءوا من بعيد من مدينة باريس ومن مدينة بوردو إلى آخره فمرحبا بكم وأقول لكم مرحبا بكم كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل للصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جئت أطلب العلم فقال له عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, particulièrement des frères et sœurs qui sont venus de loin, je pense surtout des frères, car je sais qu'il y a des frères apparemment qui viennent de Paris, des frères qui viennent de Bordeaux, des frères qui viennent d'assez loin. Fajazakumullah wa ana kulla khair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce déplacement une hujja pour vous et pas contre vous. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Et je vous dis marhaban bikum, kama qala alayhi salatu wa salam. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, et le hadith, hassanahu al-albani fi sahih al-targhib wa al-tarhib. Il a dit à un compagnon, radiyallahu anhu wa arda, ici qui est venu le voir, et qui a dit, ya rasulallah, ô messager d'Allah, j'i'tu atlubu al-ilm. Il a dit, je suis venu pour la demande de la science, pour demander la science islamique. Il cherchait cette lumière, car la science, al-ilmu nur. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue aux demandeurs de science. Walidhalik, ici c'est pour cela que je vous dis bienvenue à mes frères et sœurs qui demandent cette science religieuse et on parle de al-ilm an-nafi'. La science qui est bénéfique. Qu'est-ce que l'ilm an-nafi'? On va le voir bit-tafsil wa billahi at-tawfiq. Et on va le voir dans les détails insha'Allah ta'ala. Thumma bayyana alayhi as-salatu was-salam hadha al-fadl al-'azim al-kabir. Ensuite le prophète alayhi as-salatu was-salam a montré, a mentionné ce grand mérite, ce grand bienfait qui est le fait de rechercher, de demander la science bi ikhlas, avec sincérité et véracité, pas pour plaire aux gens, pour acquérir une chose mondaine, lakin pour satisfaire Allah Jalla Jalalu. Ici, le prophète alayhi salatu wasalam a dit à ce même compagnon, qui est Safwan ibn Assalin al-Muradi radiyallahu anhu wa arda, il lui a dit, inna taliba al-ilm, tahuffuhu al-malaika, le demandeur de science, les anges al-malaika, tahuffuhu al-malaika, wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Non seulement les anges l'entourent, mais l'ombrage. Donc, qui est le demandeur de science? Allahumma ja'anna min ha'oula. Ici, celui qui demande la science, le prophète alayhi salatu wasalam a dit que le malaïka, ici, les anges l'entourent. Et l'ombrage, à l'aide de quoi leurs ailes? Et ici, il dit alayhi salatu wasalam, thumma yarkabu ba'duhum ba'da, hatta yablughu as-samaa' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Ensuite, al-malaïka, non seulement il les ombrage, et non seulement il les couvre, al-malaïka, mais le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ils montent les uns sur les autres, jusqu'à atteindre le premier ciel. Et ceci par amour de ce qu'ils font, de ce qu'ils demandent. Par amour et par la cause de l'amour qu'ils portent envers cette demande, la demande de science, al-malaïka monte les uns sur les autres, jusqu'à arriver au premier ciel, par amour, ici, de ce qu'il demande. حسنه الألباني رواه الإمام أحمد وغيره حسنه في الصحيح الترغيب والترهيب أبشروا أحبتي في الله عز وجل. Ici un hadith très connu qui nous rappelle ici le bienfait et les mérites et le grand mérite d'apprendre la science. رواه الإمام مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le hadith très connu où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, toute personne qui emprunte un chemin pour acquérir une science, la science, Allah Jalla wa Ala, par la cause, par cette cause-là, le fait qu'il a utilisé un chemin, il a recherché al-ilm al-shar'i, la science légiférée, al-ilm al-nafi', la science bénéfique, par cette cause-là, Allah Jalla wa Ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et le paradis n'est pas gratuit. Et si tu veux acquérir le paradis, il faut faire des efforts. Et parmi les plus grands et les meilleurs des efforts que peut fournir l'enfant d'Adam pour se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala et acquérir le paradis, c'est la recherche de la science talabul ilm. Wa lidhalika qala alayhi afdalus salati wa askat taslim wal hadith rawahu Muslim, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage ou la demande de la science est obligatoire et demandé pour qui? Pour tous les musulmans. Et bien sûr, quand on dit « ala kulli muslim », ça englobe les musulmans et les musulmanes. Le jour où beaucoup de nos frères et sœurs ont délaissé l'apprentissage de la science. « Billahi alaykum ». Comment on va apprendre « akramakum Allah » à faire nos besoins? Comment on va apprendre à ici se déplacer, sortir de chez nous, rentrer chez nous, manger, boire, faire le pèlerinage, faire tous ces actes d'adoration qui ont été légiférés, prescrits par Allah et son messager alayhi salatu wasalam, si ce n'est en utilisant le chemin de la demande de la science. Donc celui qui demande la science, certes pourra ici adorer Allah Jalla wa Ala et vivre comme il se doit, se rapprocher d'Allah comme il se doit, conformément au kitab et à la sunna bi fahmi salafil umma. Wa illa sinon, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ il s'égarera, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ ici-bas, et sûrement dans le delà aussi, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الترمذي بسند حسن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما أو وعالما أو متعلما. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous rappelle encore l'importance de ce qui a été délaissé par beaucoup de gens. Et ça, أيها الأحبة, cet égarement s'est propagé énormément. Ce n'est pas à notre époque particulièrement, mais déjà à partir du 4e siècle, imaginez-vous. Que dire de notre époque? Hadith wa la haraj. Ad-dalil, on va le voir inshallah ta'ala. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit ad-dunya mal'ouna. Cette vie d'ici-bas elle est maudite. Et il nous rappelle, ne t'accroche pas à cette vie d'ici-bas. Ne mets pas cette vie d'ici-bas dans ton cœur. Lakin, mets-la dans tes poches, mets-la sous tes pieds, mets-la où tu veux, mais la mets pas dans ton cœur. لا تضع هذه الحياة الدنيا في قلبك يا عبد الله. Ne la mets pas et ne mets pas cette vie d'ici-bas dans ton cœur. Amma, viens avec, utilise-la, profite de cette vie d'ici-bas, la haraj. Il n'y a aucun mal. Bel hada ici c'est demandé à partir du moment où c'est fait de façon conforme à qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma qala rabbul izza wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah jalla wa ala dit dans le Coran, et n'oublie pas ta part, ce qui t'est autorisé, ce qui t'est donné ici concernant la vie d'ici bas. Il n'y a pas de mal, use des bienfaits qu'Allah jalla wa ala t'a donné, mais n'en fais pas ta priorité et ne les fais pas devancer sur ce qui est de plus important, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah jalla wa ala comme il se doit, comme il convient, kama yanbaghi. Ne fais pas devancer ad-dunya ala al-akhira, alors que tu sais que peut-être dans 2 heures tu vas mourir. Quelle assurance te donne cette vie d'ici-bas? Et quelle promesse te donne cette vie d'ici-bas? Et quelle assurance et quelle promesse te donne Rabbul Izzah? Allah jalla wa ala, il te promet le paradis éternel. C'est pas 10 ans, c'est pas 100 ans, c'est éternel. C'est pas des milliards d'années, c'est éternel. Alors qu'on sait que la mort va venir soudainement, quelle assurance tu as venant de la part de dunya, et quelle assurance tu as de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle promesse dunya te donne et quelle promesse Allah jalla wa ala te donne? N'est-elle pas meilleure la promesse d'Allah? N'est-elle pas meilleure la récompense d'Allah jalla wa ala? Et pourtant on délaisse ce qui est sûr pour s'accrocher à ce qui n'est pas sûr. Tout le monde sait qu'on a tous et toutes des projets dans la vie. Mais est-ce que ces projets, on va vraiment les faire? C'est des probabilités. Rubbama, peut-être. J'espère. Atamanna. Lakin, al-haqiqa, la réalité, c'est que quoi? Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À éphémérité. Ce qui est sûr, c'est qu'Allah jalla wa ala t'a dit qu'il y aura un jugement, qu'il y aura la tombe, qu'il y aura le paradis, qui aura l'enfer, et qui existe déjà maintenant au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant, à ce moment-là, ils existent déjà. Ils ont déjà été créés, le paradis et l'enfer. Ça, c'est des choses sûres. Que tu vas mourir, tu vas être interrogé par Moun Karwanakel, c'est sûr. Et les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, ils croient fermement. Mais ma'adhalik, avec cela, malheureusement, ce qu'on est sûr, on abandonne et on met de côté. Mais ceux dont on n'est pas sûr, on s'accroche fermement dans nos projets qui vont venir. Et pourtant, on n'est pas sûr qu'ils vont arriver, que ça va se passer vraiment. Mais on s'y accroche fermement. On y mord fermement avec nos molaires. Et je donne une métaphore comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a donné. Et normalement, on doit réagir comme cela en face à quoi? À la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On s'y accroche fermement. On met cette dunya dans notre cœur, illa man rahim Allah. Alors que ce n'est pas sûr tout ça. Peut-être tu vas mourir ce soir. Mais Allah, il te promet des choses sûres et on délaisse. Regardez Al-Insan. Dans quelle inattention, dans quelle ici insouciance on est tombé, illa man rahim Allah. Et ça, c'est une des ruses de qui? Shaytan, Iblis. La'anahu Allah. Ça, c'est une ruse de Shaytan. Wa ikhtalafa al-ulama, ils ont divergé les savants. Est-ce qu'on peut dire la'anahu Allah ou pas? Qala ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ici, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a considéré qu'à partir du moment où une personne ou quelqu'un est maudit par Allah, jalla wa ala, ou son messager, on a le droit. Et d'autres, ils ont dit le meilleur ici, comme Cheikh Al-Uthaymin, c'est de dire, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. De chercher protection auprès d'Allah, azza wa jalla, contre le shaytan. Ceci est meilleur pour toi. Et ceci est plus néfaste pour shaytan que de dire la'anahu Allah. Ala kulli hal, nous disons, ahibbati fillah, ça c'est les ruses de min maka'idi shaytan, parmi les ruses de shaytan, nous détourner de al-ilm, de la science, de la vérité, et nous donner des espoirs qui sont fondés sur des choses éphémères. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça nous disons, ahibbati fillah, ayyuha al-uqala, ô vous les doués de raison, réfléchissez avant qu'il soit trop tard et raisonnez avant qu'il soit trop tard. Qala rabbul izza hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah, il parle de ceux qui vont regretter, et on ne cesse de répéter ce verset coranique où ils diront rabbi irji'un la'alli, peut-être. Na'am, l'être humain il est faible et l'être humain il est ingrat. Il dit, peut-être je ferai des actions, des bonnes actions, du bien dans ce que j'ai délaissé. Tout le monde va se plaindre, illa man rahim Allah, qu'il a délaissé beaucoup de choses, qu'il a délaissé le bien, qu'il a délaissé ce qui est sûr et ce qui va le rapprocher d'Allah jalla wa ala. Pourquoi? Li ajli hadhihi al-hayati ad-dunya allati wasafaha Allah tabaarak wa ta'ala fi kitabihi al-aziz hina ma qala subhanahu wa ta'ala kullu man 'alayha fan. Cette vie d'ici-bas qu'Allah Azza wa Jalla a décrit quelque part dans le Coran quand il a rappelé que tout ce qui est sur la vie d'ici-bas est éphémère, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas elle est éphémère. Cette vie d'ici-bas elle est éphémère, elle a été décrite ainsi dans de nombreux versets coraniques et dans de nombreux hadiths. Le prophète a dit « Ad-dunya mal'ouna ». Cette vie d'ici-bas elle est maudite. « Mal'ounun ma fiha ». Tout ce qui est dedans est maudit. « Illa sauf dhikra Allah ». Et le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, c'est le prophète qui l'a dit, alladhi la yantiqu 'ani al-hawa, sauf le rappel d'Allah, wa ma wala, et ce qui suit. Al ulama qalu ici al ibadat, les actes d'adoration. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit wa 'aliman aw muta'alliman, Allahumma ij'alna minhum. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit oh, une personne de science, un savant, ou celui qui apprend la science. Te dis pas, c'est bon, je ne suis pas savant, pas trop d'intérêt de faire des efforts, parce que l'éloge, elle n'est que pour les savants. Abadan. Ici, l'éloge, faite par Allah, Jalla wa Ala, dans de nombreux versets coraniques, envers ceux qui aiment la science, et le prophète, alayhi salatu wa salam, dans de nombreux hadiths authentiques, pour ceux qui aiment la science, ne vise pas que les savants, mais ceux qui demandent la science. Qala alayhi salatu wa salam, li safwan, radiyallahu anhu wa arda, marhaban bi talib al-ilm. Il a fait son éloge et il lui a dit bienvenue, et c'est pour ça on vous dit bienvenue. Marhaban à tous ceux qui désirent, c'est pas simplement se réunir autour d'un plat et se réunir pour l'amour, et on va en parler de al-wala wal bara bi tafsil, en l'amour dans des choses mondaines ou pour des intérêts, walakin pour Allah jalla wa ala. Ça c'est le vrai amour pour Allah. Le vrai amour en Allah azza wa jalla. Ça, ces gens-là qui se déplacent pour la science et qui se réunissent autour de la science, ce sont ceux, insha'Allah ta'ala, qui sont encadrés par le hadith alladhi sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, حينما قال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui aime en Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui retient pour Allah, il a certes complété l'Iman. ومدح جل وعلا هؤلاء حينما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم يقول جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. Le prophète عليه الصلاة والسلام a rappelé que Allah جل وعلا dira au jour de la résurrection: où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et qu'il y aura ici, même les prophètes qui vont envier des gens, ils verront des sortes de passerelles de lumière. Men ha'oula ya Allah, nahnu l'anbiya, nahnu l'rusul, on est les prophètes, on est les envoyés, qui sont ceux-là? Et Allah jalla wa ala rappellera que c'est qui? Ceux qui se sont aimés en Allah jalla wa ala. Y a-t-il une chose meilleure qui réunit les musulmans que l'amour de ce que Allah Jalla wa Ala aime énormément, al-ilm al-shar'i? On se réunit par amour envers ce qui va nous rapprocher d'Allah et ce qui fait partie des choses les plus aimées et les plus importantes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ad-dunya mal'ouna illa. Alors, le prophète dit la vie d'ici-bas est maudite. ملعون ما فيها تو il précise إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. العلم نور. قال ابن الجوزي البغدادي رحمه الله تعالى, ce grand savant, ce grand ici savant aux paroles plus que sage, il dit sache que la première ruse d'Iblis c'est quoi? C'est d'éloigner les gens de quoi? De la lumière d'Allah Jalla wa Ala, de la science. Car il dit al-ilmu nur. La première ruse de shaitan, c'est de dire à la personne, ça sert à rien d'aller apprendre ta religion. Écarte-toi. Il y a des choses plus importantes. Il y a dunya. Il y a ton commerce. Il y a les affaires. Il y a les choses mondaines. Il y a des, khalas, c'est pas important. Et certains pensent même que le fait d'aller faire des choses surérogatoires dans l'ibadat, faire des prières surérogatoires, qiyamul layl, pourtant c'est des choses qui font partie des meilleures des choses dans l'islam. Ils pensent que hadha ou hadhi al-ibadat afdal min talab al-ilm. Ils pensent que cela est meilleur que la demande de la science. Abadan. Et les preuves, elles en sont nombreuses et on va le voir bi'ibnillahi azza wa jalla. Et citer les paroles des savants, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad, et la akhiri. Et on va les citer, incha'Allah ta'ala. Ibn al-Jawzi, il dit quoi? La première des choses, et la première des ruses d'Iblis, c'est de détourner la personne de quoi? De la science. Car la science est une lumière. Et quand il t'a écarté de la lumière, il fait de toi ce que bon lui semble. Parce que khlas, t'es dans quoi? Al-Dhulumat, dans les ténèbres. Donc toi, est-ce que tu peux te déplacer, ya Abdallah, dans une pièce qui est remplie de pièges, remplie de choses qui, si tu es confronté à ces choses-là, ils peuvent te nuire, alors qu'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas. On est dans une vie remplie de fitan, remplie de problèmes, remplie d'épreuves, remplie de tentations, lakin toi tu veux te déplacer sans lumière, ajib. Ça c'est étonnant ça. Et ça, c'est des gens qui, quand tu les exhortes, ils disent, non, je n'ai pas besoin de ça. هذا هو الجهل المركب. Ça, c'est les gens, والعياذ بالله, ils sont ignorants qu'ils sont ignorants. Tu lui dis, هذا مستحيل, tu lui donnes un exemple concret avec l'aql. Parce que ça, c'est important de faire travailler l'aql quelquefois. Et est-ce que l'aql devance l'aql? Abadan. Mais on va voir tout ça dans les détails, بإذن الله عز وجل. On reste ici, avant de rentrer plus dans les détails, dans هذه المقدمة المباركة, inshallah. Ici, tu lui dis, est-ce que toi tu peux te déplacer dans un endroit ou dans une pièce où il n'y a pas de lumière, remplie de choses nuisibles, remplie de pièges, remplie de choses qui peuvent causer ta perte alors que tu n'as pas de lumière? Non, al-ilmu nur. La science est une lumière. Sans cette lumière, tu ne pourras pas affronter les épreuves comme il se doit. Tu ne pourras même pas, écoute bien, te rendre compte qu'il y a une épreuve devant toi. Pourquoi tu ne l'as pas vue? Donc comment tu veux l'affronter? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte quand il y a une chose mauvaise devant eux ou pas. Pourquoi? La yufarriq bayna al-haqq wal-batil li'annahu jahil. Il ne différencie pas entre le vrai du faux, le bon du mauvais, le halal du haram. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Parce qu'il ne voit pas, parce qu'il n'a pas cette science, parce qu'il n'a pas cette lumière. Wa sadaqa jalla wa ala idh yaqul, et certes Allah jalla wa ala a dit vrai quand il dit, ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, walakin al-qulub allati fi as-sudur. Ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Il est aveugle du cœur, il voit avec ses yeux. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha kama qala rabbul izza hikayatan 'anil ghafilin. Quand Allah il parle des insouciants, ils ont des yeux mais ne voient pas avec. Ici, ton œil, tu vas voir avec tes yeux. Mais la vraie vue, elle est dans le qalb. Pourquoi tu vois des gens qui sont aveugles des yeux? Walakinhum min akbar al-ulama min al-kibar. Ils font partie des plus grands des savants. Parce que c'est pas les yeux, c'est pas les regards qui s'aveuglent. Lakin, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Et si ton cœur s'aveugle, wal-iyadhu billah, sache que tu seras une personne qui court à sa perte. Si tu ne reçois pas at-tawfiq. La réussite, le succès de la part d'Allah. At-tawfiq, retiens aussi ce mot-là et on va le voir dans les détails bi'idhnillahi azza wa jal. Donc on a besoin de cette lumière, ahibbati fillah, comme l'a mentionné Ibn al-Jawzi al-Baghdadi. Donc celui qui pense réussir dans les problèmes de sa vie, celui qui pense affronter les nombreuses épreuves de cette vie, celui qui pense réussir à différencier bayna al-haqq wal-batil, entre le vrai et du faux, celui qui pense réussir à surmonter des dures épreuves, des conflits et la akhirah, alors qu'il n'a pas de science, qu'il ne s'accroche pas à la science, avec une bonne compréhension et aux gens de science, fahuwa ala dalal, il est certes dans un égarement, le miskin. Et on a peur pour lui qu'il fasse partie de qui? Ashabul ahwa. Note ce mot-là encore et on va voir dans les détails ce terme-là, ashabul ahwa bit-tafsil, dans les détails, inshaAllah ta'ala. Et on n'est pas là pour survoler des sujets, walakin ici pour parler dans les détails de sujets. Et cette dawra, ce séminaire si on veut, ici bi'idhnillahi azza wa jal, a pour titre al-minhaj as-sahih. Ici, la voie, la méthodologie, le minhaj authentique. Selon la compréhension de qui? Des meilleurs des créatures, ba'd al-anbiya et wal-mursalin. وهم أطهر الناس وأفهم الناس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Selon la compréhension des meilleurs des hommes. Ah, c'est pas selon je vois, je crois. Alors en rendant al-ara, les avis personnels. Ça, on les met de côté. On n'a pas besoin des avis personnels. Mais combien au jour d'aujourd'hui de musulmans? Un milliard. C'est ça? À peu près ou un peu plus. Un milliard d'islam. Si chacun dit je vois, je crois, je pense. Selon la compréhension des meilleurs des hommes, après les prophètes et les envoyés. C'est qui? Ceux qui ont reçu l'éloge d'Allah Jalla wa Ala. Ici, plus d'une fois dans le Coran al-Karim. Min al-mu'minina rijal. Sadaqu ma ahadu Allah alayh. Allah, il parle de qui? Parmi les croyants, il y a des hommes. As-sahaba radiyallahu anhum. Wa ardahum. Selon la compréhension des compagnons. Ici, qui ont compris cette religion mieux que n'importe qui sont les meilleurs des gens après les prophètes et les envoyés. As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Ils nous ont éclairci par la permission d'Allah Jalla wa Ala cette voie. Et avant eux, bien sûr, à leur tête, la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et on va voir, inshallah ou ta'ala, ce minhaj. Qu'est-ce que le minhaj authentique? Si vous suivez bien, inshallah ou ta'ala, ce séminaire qui a pour titre, al-minhaj ou sahih, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, vous allez comprendre quel est le minhaj authentique à suivre, inshallah ou ta'ala, avec des arguments solides. Voilà, nous akalallahi ahada wa billahi tawfiq. Et ça vous donnera, inshallah ou ta'ala, un bagage pour répondre à ashabul bid'ah, ashabul ahwa, ashabul ara, ceux qui aiment diviser entre la communauté. Et on va parler des différents degrés qu'on peut retrouver chez ces gens-là. Et on va voir comment comprendre les textes comme il se doit pour ne pas s'égarer et ne pas égarer. Et ici, ce séminaire tourne autour de l'explication d'un livre qui est « Al-Sharh wal-Ibana » على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة رحمه الله رحمة واسعة. Et on va expliquer les paroles de Ibn Battah رحمه الله رحمة واسعة. Un grand savant, écoutez bien, de quel siècle? Ici, il n'était pas du 12e siècle, du 10e siècle, encore moins à notre époque, du 9e siècle, 8e siècle, non, plus loin. Alors 8e siècle, c'est l'époque d'Ibn Rajab al-Hanbali, on va en parler. Ici, il rentrait dans le 4e siècle. Et on sait que ceux qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim, c'est qui? C'est les salafs. Le prophète, il a dit, kama fi sahih muslim, khayrun nas, les meilleurs des gens. Le prophète, il a dit, c'est qui les meilleurs des gens? Pourquoi on dit toujours, on doit comprendre bi fahmi salafil umma, selon la compréhension des pieux prédécesseurs? Le prophète, il a dit, les meilleurs des gens, qarni. Pour que tu prennes des arguments, tu les notes et tu les comprennes, et tu auras un gros bagage bi-idhnillah tout au long de ta vie pour réfuter ashabul bid'a wal ahwa wal ara. Ici, le prophète a dit les meilleurs des gens, c'est qui? Ce sont ceux qui sont à son époque. Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Donc, les gens de son époque. Donc, il y a le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, et ici, tous les compagnons. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit khayrun nasi qarni. ثم الذين يلونهم. Ensuite ceux qui vont venir, التابعين. On les appelle التابعين. Donc la deuxième génération. Ensuite il dit ثم الذين يلونهم. Prophète, il a fait مدح هؤلاء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Il a fait leur éloge. Il a dit ensuite ceux qui viennent après. Donc là on est à la combienième génération? La troisième génération. Donc ceux-là ici, après eux, il y a une génération qui est arrivée. Il y a un siècle qui est arrivé. C'est le siècle numéro combien? 4. 4e siècle. Là, on parle de qui? Ibn Battah, rahimahullah, rahmatan wasi'a. À son époque, il dit que s'est propagé l'égarement, al-jidal, les gens des passions, les gens de l'innovation. Qu'aurait-il dit Ibn Battah, rahimahullah, rahmatan wasi'a, à notre époque, alors qu'on est au combienième siècle? 14e siècle. Ici, Ibn Battah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ibn Rajab, rahimahullah, ta'ala, 8e siècle, qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors, à l'époque, c'était encore frais. Et on sortait de là à ceux qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, as-salafu salih, les pieux prédécesseurs. Donc ceux-là, ahibbati fillah, ici ils avaient très bien compris la religion et ils ont reçu l'éloge du prophète, mais tout de suite après, regardez comment ça s'est propagé énormément. Ici les gens de je vois, je crois, je pense. C'est pour ça c'est impératif de comprendre bi-idhnillah azza wa jalla la parole d'Allah et de son messager selon la compréhension des pieux prédécesseurs en délaissant les avis. On va expliquer bi-idhnillah azza wa jalla المقدمة, l'introduction qu'a fait le Cheikh Ibn Battah rahimahullah ta'ala dans ce livre-là. Et ici, il est connu par Al-Ibana Al-Sughra. Al-Ibana Al-Sughra. Et il y a Al-Ibana Al-Kubra, et on va en parler rapidement, inshallah ta'ala. Et ici, on va rentrer dans l'explication. Il y a des centaines de textes, de hadiths, de versets coraniques, de athar. Lakin, Je ne vous cache pas, on n'aura pas le temps de terminer le charh de ce livre. Mais ce qui nous importe, c'est pour ça que je lui ai donné un titre à ce séminaire-là, pour pas se perdre et pas couper le fil. Et Inch'Allah Ta'ala, on va tourner et on va essayer de donner le maximum d'arguments sur ce que je vous ai dit, le minhaj authentique. Quand le séminaire sera terminé, bihawlillah azza wa jal, les gens auront des arguments, bi'idnillah, assez solides pour ne pas s'égarer. Et pour réfuter les gens des avis, je pense, je crois, et ceux qui essayent d'égarer les gens. Mais il faut bien suivre, prendre des notes et retenir les choses comme il se doit. Et Inch'Allah Ta'ala, Rabbama, on fera un deuxième séminaire sur la suite du livre avec un autre titre, Inch'Allah Ta'ala. Wadih. Ici, en restant toujours sur la science et la valeur de la science, et pour argumenter aussi ce que j'ai dit précédemment en disant que certaines personnes pensent que des actes d'adoration comme Qiyam al-Layl et que ce qui est très méritoire, et ceux qui le font, Qiyam al-Layl, ala sabil al-mithal, le prophète alayhi salatu wassalam al-salaf, il considérait ça comme la prière de qui? Des pieux. C'est pas n'importe qui fait Qiyam al-Layl. Et ici, il y a des choses qui sont meilleures que ça. Et c'est quoi? Talabul ilm, la demande de la science. ولذلك l'imam Malik رحمه الله تعالى يوم من الأيام, il était dans une jalsa et il donnait une halaqa, il donnait un cours. Et il y avait des élèves à l'imam Malik رحمه الله تعالى, imam Dar al-Hijra, ce grand imam. Et ici, quand il donnait son cours, à un moment il a eu l'adhan. Et quand l'adhan est terminé, et vous savez ce qui relève de la sunna, entre les deux adhan, comme a قال عليه الصلاة والسلام, il y a une prière. Donc ça relève de la sunna de prier entre l'adhan et l'iqama. On les appelle les deux adhan, l'adhan et l'iqama. C'est relève de la sunna de prier. Donc il y a eu l'adhan. Et quand l'adhan est terminé, quand il s'est achevé l'adhan, il y a un élève qui s'est levé de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est parti prier rak'atan. Il a prié deux unités de prière. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ici, il lui a montré que la chose pour laquelle il s'est levé est moins importante que la chose qu'il a délaissée. Il lui a dit, la chose pour laquelle tu t'es levé est moins importante, a moins de valeur que ce que tu as délaissé, c'est-à-dire le cercle d'apprentissage. Ou, quand tu es dans ce cercle d'apprentissage comme nous le sommes, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que « وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ » La sakina descend sur vous. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ La miséricorde les couvre. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ Et les anges les couvrent ou les entourent. وَذَكَرَهُمُ اللَّهِ فِي مَنْ عِنْدَهِ Et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. الْمَلَائِكَ Ça c'est ceux qui participent à ces cercles d'évocation et d'invocation, ces cercles de science. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que ceux qui participent à ces cercles, Allah leur pardonne tous les péchés. Et dans un hadith, une version, fi riwaya, al-malaika zuji, ya Allah, bien qu'Allah azza wa jalla ya'lam, Allah il sait tout, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Il y a un homme parmi eux qui est venu, c'est pas pour la science particulièrement, mais il s'est assis juste, il est venu comme ça. Tellement que la miséricorde d'Allah est grande, tellement qu'ils ont de la valeur, ces cercles d'invocation et d'évocation, ces cercles de science dans lesquels on participe maintenant, wa nas'alu Allah jalla wa ala an yataqabbala minna jami'an. Ici, le prophète, il rappelle qu'Allah, il a dit même à lui, pardonnez-lui tous ses péchés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mentionné, il a donné comme nom à ces cercles, des jardins. Il les a appelés quoi? Des jardins. Ici, pour nous montrer la valeur de ces cercles. Des jardins du paradis. Et ici, le prophète a fait beaucoup de fois l'éloge de ces cercles de science. Et ceux qui les délaissent, certes, ont délaissé énorme. Je dis ceux qui les délaissent, écoutez, par rapport à quoi? Pour faire des actes d'adoration, comme l'a dit l'imam Malik. Pour aller prier. C'est meilleur d'apprendre ta science. Que dire de celui qui, quand il voit des cercles d'évocation et d'invocation, alors qu'il n'a rien à faire. Alors que, en général, les cercles d'évocation et d'invocation, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une muhadara. Il se lève, pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il n'a rien à faire. Et qu'il a très peu de science. Et simplement par paresse, ou par orgueil, ou par je ne sais quoi, ou parce qu'il suit les passions. Que dire de cette personne-là? Ensuite, cette personne-là, on va le considérer comme des gens qui aiment vraiment la science, qui cherchent à apprendre à connaître Allah et son messager. Pas vraiment. Je ne dis pas. Parce que chez les musulmans et les musulmanes, chez tout le monde, il y a du khayr. Chez tous les croyants et les croyantes, il y a du bien. Chez tous les musulmans et les musulmanes, tu trouveras du bien en eux. Walillahilham, Allah Jalla wa Ala, s'il a fait de toi une personne qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a vu du bien en toi, et Allah il veut ton bien, et que ici bi'idhnillah azza wa jalla, si tu as été sincère et tu es mort avec cette parole sans tomber dans des choses qui annulent cette parole, tu iras un jour ou un autre au paradis bi'idhnillah azza wa jalla, parce que tu es mort ala tawhid, sur l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Là qui nous disons qu'il y a ici une déficience, un manque. Donc là on commence à éclaircir qui sont vraiment et qui doivent être vraiment nos fréquentations pour pouvoir vraiment avancer. Qui doivent être vraiment nos fréquentations pour pouvoir vraiment avancer. Dans le premier indice, ceux qui participent au cercle d'évocation et d'invocation de science, dont Allah et son messager ont énormément fait l'éloge. Et celui qui s'écarte de ces cercles et qui se détourne de ces cercles, comme il est relaté dans Sahih, quand le prophète alayhi salatu wasalam a parlé des trois hommes qui sont rentrés, un s'est approché, un autre ici s'est mis à l'écart ou s'est mis plus à l'écart, et un autre s'est détourné. Quand il a parlé de ces trois hommes, il a parlé de l'homme qui s'est détourné, il a dit celui-là s'est détourné, Allah azza wa jalla a agi de même envers lui. Allah s'est détourné de lui. Toi, tu vas dire celui-là, je l'aime en Allah, c'est-à-dire je l'aime en Allah à un tel point que je le côtoie, que je lui fais confiance, que je lui demande conseil, alors qu'il fait partie sûrement des gens dont Allah s'est détourné de lui. Ajib. D'où tu as pris ta compréhension? C'est ce qu'on appelle ashabul ara. Les gens, je pense, je vois, je crois, j'ai mon avis. Et ça, ce sont les gens alladhina yuqaddimuna al-aql ala al-naql. Ce sont ceux qui font devancer la raison, les avis sur al-naql. Al-naql, c'est les textes. Les textes, c'est tout ce qui a été révélé. Al-Qur'an wa sunnah, li anna sunnah wahi aydan. هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne parle pas poussé par sa passion. Donc quand le prophète parle, c'est avec révélation. Donc on dit Al Qur'an, c'est une révélation, wahi, et la Sunna, c'est une révélation aussi. Donc tu n'as ni à délaisser le Coran, ni à délaisser la Sunna, et encore moins à t'accrocher à tes je pense, je vois, je crois. Ça mets-les de côté. Ça c'est les gens des passions. La passion où elle va te mener, on va en venir, inshaAllah ta'ala. Donc nous disons, celui qui ne veut rien apprendre de sa religion, qui ne participe pas à ces cercles qui sont aimés par Allah et son messager, il s'en détourne sans aucune raison, par orgueil ou par vanité ou par prétention ou par paresse ou par, il y a une différence entre aimer une personne en Allah et ici avoir un certain écart avec lui, et aimer une personne en Allah à tel point que tu la prennes comme ami intime. Et ça, on va le voir bit tafsil. Et toujours avec des preuves. Pas avec je pense, je crois, je vois. Incha'Allah ta'ala. Donc ça, c'est l'importance de ces cercles d'évocation, comme l'a dit l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Et, al-ilm ahibbati fillah, la science, ce n'est pas le fait d'emmagasiner une quantité de textes, simplement. Parce que si tu parles de ça, on va dire que, bayna qawsayn, comme certains disent, ironiquement, hein, cher Google, ça serait le plus grand des savants. Si c'était juste le fait d'emmagasiner. Va dans Google. Tu tapes Iman, Nawaqid al-Islam. Khalas, toute la liste elle va être longue. Il va retenir plus de choses que ce que va retenir un savant. C'est vrai ou pas? À Google, comment tu vas? Subhanallah, il y a des milliards d'informations. C'est un savant, musulman, pieux, vertueux. C'est qui? C'est virtuel. C'est pas dans le fait de retenir et d'emmagasiner une grande quantité. Et ça, c'est dans quoi sont tombés beaucoup de gens qui sont considérés comme al-muqallad, c'est-à-dire celui qui fait al-taqlid, al-a'ma. Et les gens, ils aiment bien dire ça, certains jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, et retenez ça, ils sont considérés, ou on peut les considérer quelquefois, dans leur manière, en donnant une métaphore, comme un peu des perroquets. D'accord? Je suis gentil en disant perroquet, parce que perroquet, c'est pas méchant. Allah, il compare ashab al-ahwa à qui? Akramakum Allah, à des chiens. Il compare les gens des passions, ashab al-ara, à qui? À des ânes. Il compare les gens des passions à qui? Et ça, on va le voir, on va donner les preuves. Hein. Donc ici, perroquet, c'est gentil. C'est-à-dire, il entend, il répète, sans comprendre. Al-muqallad. Et ils disent souvent, ah, khlas, celui-là, il dit, j'écoute l'imam Shafi'i, et même s'il se trompe, et je n'écoute personne d'autre, ah, il dit, c'est ça, taqlid al-a'ma. C'est pour eux, c'est limité à ça. C'est-à-dire le suivi aveugle. mais il sait pas que Obama lui aussi, il est dans quoi? Fait partie de ceux qui suivent aveuglement. C'est-à-dire, il répète sans comprendre. Ça, c'est un suivi aveugle. C'est un suivi aveugle, ça ou pas? Répéter sans comprendre. C'est-à-dire, si tu veux, quelquefois, on peut dire, dans certains cas, répéter bêtement. Il répète. Il comprend rien, mais il répète. Ça, c'est un suivi aveugle. Pourquoi il a répété alors sans comprendre? Ça suffit pour lui de dire, Foulen a dit. Et il répète. On n'a pas dit que Foulen a tort et que tu ne dois pas répéter. Mais tu dois comprendre avant de répéter. Et c'est pour ça que les gens pensent que l'ilm, c'est simplement de lire beaucoup de fatawa. Et ils lisent que ça. Les fatawa. Mais lui, pour aller faire la recherche, c'est-à-dire pour aller apprendre, aller prendre la science de ce savant qui a expliqué comment il en est arrivé pour dire ça halal, ça haram, ah non, là c'est trop dur. Ah, parce que ça, c'est un charh qu'il faut. Et c'est des séries de cours. Et il faut s'asseoir. Et il faut patienter. Non, ça. Les fondements, les bases, etc. Non. Mais lui, il va directement au résultat. Fatwa, il prend et il répète. Sans comprendre. Et ça, c'est un pur égarement aussi. C'est pas comme ça qu'on apprend la science. En apprenant beaucoup de fatwa. Il y a des gens, ils se disent, bon, c'est bon, hein. Moi aussi, je vais faire mon travail personnel. Et tu le vois, Mskin, quand il veut faire, ça, c'est une ruse d'Iblis. Il veut s'éloigner des cercles de science. Et tu vas voir, à la fin, il va croire qu'il va avancer, Mskin. Mais à la fin, tu vas le voir, il va lire beaucoup plus de fatwa. Au début, il va essayer d'écouter des cours, etc. Et souvent, à la fin, tu les vois chercher que des fatwa. Ah, il dit, bon, moi, j'aurai un petit bagage parce que le reste, parce qu'il n'y a pas de baraka. Sa niya, déjà, elle est mauvaise. Il essaie d'imiter trop les gens. Et il écoute un peu tout le monde. Il est comme une feuille morte qui se fait emporter par n'importe quel vent. Donc, il a suivi cette mouvance qui est, non, faut apprendre tout seul ou faut prendre que de al-kibar. Al-ulama, les grands, les autres, tu prends deux personnes. Il veut se débrouiller tout seul. Et il se noie, Mskin. Il a pas compris qu'il y a des centaines d'étages à monter. Et ici, lui, il utilise un moyen qui va lui permettre ni de prendre l'ascenseur et ni de prendre les escaliers. Et il se retrouve comme ça. Il se dit, il essaie de sauter, Mskin. Va étape par étape. Tu veux atteindre al-kibar. Passe par des étapes avant d'atteindre al-kibar. Et ta'ajjabtu min ba'd al-ikhwa. Qui disent, wallahi, ana asma'u illa al-kibar. Je n'écoute que les grands. Tu lui dis, tu comprends l'arabe déjà. Il a même pas l'arabe. Il comprend même pas l'arabe. Et il n'a même pas de base sur ne serait-ce que les bases de chez base. Des bases sur les fondements de tafsir, ou bien de l'aqida, ou bien de l'fiqh, ou bien dans la, il a aucune base, ou que très peu. J'écoute que le kibar. Mais je comprends pas. Ah, mais comment tu fais, mon frère? Je regarde les vidéos sous-titrées. Regardez, en fin de compte, il veut écouter que le kibar, mais avec des moyens qui ne le permettent même pas d'assister à des vrais cours donnés par As-Sirar, par les petits. Regardez les gens, subhanallah. Il y a des étapes. Et celui qui essaye de prendre cette science d'un bloc, hein, elle va lui être retirée, cette science d'un bloc. Bah, étape par étape, Abdallah. Le principal, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes des gens, tu sens que ta foi, elle monte. Tu te sens bien. Et que tu vois que ton comportement change. Min al-shar ila al-hasan, wa min al-hasan ila al-ahsan. Du mal vers le bien, et si t'es dans le bien, du bien vers le mieux. À ce moment-là, walillahi alhamd. C'est ça le principal, c'est de toujours avancer. Mais un mal de dire non, j'écoute pas un tel, j'écoute. Ça, c'est des gens qui sont perdus, msakin. Et comment ne pas être perdu? On va le voir, bi-idhnillahi azza wa jal, dans les détails. Donc ici, al-ilm, ça ne suffit pas à apprendre. Il faut comprendre, et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din. Celui à qui Allah veut du bien. Certains savants, ils ont dit, et certains, pas tous, mais certains comme min al-mu'asirin, ici Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit ça, c'est la preuve que celui à qui Allah azza wa jalla ne veut pas de bien, il ne va pas lui faire comprendre la religion. Parce que le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, yufaqqihu fi ad-din. Il lui a pas dit, il va lui enseigner la religion, il va lui faire comprendre la religion. Tu peux apprendre sans comprendre. Ça peut être un argument contre toi, et ça peut te jouer de mauvais tours, parce que tu n'as pas compris, et tu as utilisé cette science, pas pour faire le bien, mais pour faire le mal. Pourquoi tu n'as pas compris? Ou tu as essayé de comprendre avec les on dit, ou en picorant à droite et à gauche, mais pas avec des règles bien solides, comme on va le voir bi-ibnillah azza wa jal. C'est pour ça, ce qui est très important, c'est quoi? C'est de comprendre pour pas tomber dans des sectes égarées ou dans des groupes égarés. Alors on a différents groupes. On a Al-Mu'tazila, on a Al-Jahmiya, on a Sufiya, on a Al-Khawarij, on a Al-Takfiriyun, on a... Ici on a plein de groupes qui se sont égarés à cause de quoi? Sous al-fahm, la mauvaise compréhension. Et tu vois au jour d'aujourd'hui des jeunes qui soi-disant au nom de la vérité du Coran et de la Sunna bi-fahmi salafil umma se permettre, d'accord, d'utiliser certaines règles dans l'islam comme al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, ou aimer et détester en Allah jalla wa ala comme ils veulent, et disent oh, on est dans un pays à que des mécréants, on a le droit de tuer tous les mécréants et t'as le droit de faire des attentats. Et celui-là, kafir, tel hakim, pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a dit, et ça c'est depuis des siècles, hein, les gens qui ont beaucoup de choubouhat, et tu vois, ils sont pas bien, et ils ont mal compris cette religion, ils répéteront toujours les mêmes questions. C'est quoi le hukm de celui qui gouverne avec des lois autres que celles d'Allah? C'est quoi le... Toujours les mêmes questions. Ici, c'est quoi le jugement? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Subhanallah, on dirait qu'il y a que ça. Ça veut dire, on dirait que le prophète, alayhi salatu wasalam, pour eux, il a dit, dans la tombe, Munkar et Nakir vont te dire, est-ce que le roi du Maroc, c'est un kafir ou pas? Est-ce que le roi d'Algérie, c'est un kafir ou pas? Et est-ce que le roi de Tunisie, c'est un kafir ou pas? Si tu réponds bien, tu vas au paradis. Si tu réponds mal, tu vas en enfer. Ajib. Subhanallah, est-ce que toi, tu vas être interrogé sur le roi ou le gouverneur ou la... Al-ulama, ils ont donné des règles. Et ils ont expliqué al-wala wal-bara. Et ils ont expliqué celui qui ne gouverne pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi son hukm? Pourquoi tu veux rendre tout le monde mécréant? Pourquoi tu as autant de haine remplie dans ton cœur? Tu vois ces gens-là? Et on va parler de différents groupes, tu vas toujours trouver de la haine dans leur cœur. Toujours, ils te parlent, ils sont toujours sur la défensive. Non, sois d'un côté. Non, il faut pas écouter un tel, faut pas écouter un tel. Ils dégagent que de la haine. Ou d'un autre côté, tu vas voir des gens, toujours ils te parlent de ça. Non, non, c'est des koufars, c'est des koufars, c'est des koufars, c'est des koufars. Et ils permettent tout, des attentats et des je ne sais quoi et des... À cause de quoi? Sous al-fahm, qala ibn al-qayyim. Rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim, le grand élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sous al-fahm, anillah wa an rasulillah alayhi salatu wassalam. La mauvaise compréhension. Ici, concernant Allah et son messager. Les paroles d'Allah et de son messager. Ici, aslo, c'est la base de toutes les innovations et égarements répandu dans l'islam. Et c'est la cause et la base de l'apparition de toutes les sectes et les groupes égarés. C'est quoi sous al-fahm? Combien de groupes maintenant ils sont? Wallahi, tu vas même interroger les chiites. Tu vas même interroger le Rawafid. Même les pires d'entre eux. Parce qu'il y a différents groupes. Ceux qui vont insulter Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ceux qui vont même rendre mécréant Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Même eux, hein. Qu'Allah nous préserve de ces égarés-là. Eh ben, tu verras que même eux, wallahi, qu'ils ont une bonne intention. C'est vrai ou pas? Ils ont une bonne intention ou pas? Ils ont une bonne intention. Robama, il va écouter le Coran al-Karim, il va pleurer quand il écoute le Coran al-Karim. Wallah, Robama, quand il va parler d'Allah, il va aimer Allah, mashallah. Il va parler du prophète, il va aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il a mal compris. Il a mal compris les choses. Donc dire simplement, wallahi, j'ai une bonne intention. Ici, wallahi, al-Azim, moi, je veux faire que le bien. Donc, ou alors de dire, miskin, ah, mais regarde, il est à la mosquée, il fait quelque chose de bien, son intention est bonne. Ça ne suffit pas. Parce que l'intention tout seul ne suffit pas. Il faut l'intention, an-niyya wal-mutaba'a. Il faut l'intention et quoi? Et le suivi. Que ça soit conforme à qala Allah wa qala al-rasul bi-fahmi salafil umma. Et wallah, vous allez entendre des paroles, fa wa rabbil ka'ba, qui valent plus que de l'or. Des grands gens de science, d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala et autres, concernant comment ont compris la religion as-salaf, as-sahaba, at-tabi'in, at-tabi'in, il-akhir. Comment ils étaient clairs dans leurs paroles, dans leurs réponses. Comment ils étaient simples dans leurs réponses. Mais après, au fur et à mesure, les gens ont commencé à compliquer les choses. Pourtant, c'était simple la religion à la base. Mais à force des gens, ils ont commencé à rentrer dans, ici, des ambiguïtés, des choses qui les ont fait perdre. Ils ont ouvert des portes, fallait pas ouvrir. Ils ont commencé à rentrer dans oui l'interprétation des textes, des attributs d'Allah, il a akhiri. Mais pourtant là-bas ça n'existait pas. Et vous allez voir que les plus grands des savants, dont leur science n'a rien à voir avec la science des salafs, ça il faut le préciser. Pourtant ils font partie des plus grands savants et ce sont les plus grands savants de notre époque. Leur degré de science n'a rien à voir avec le degré de science des salafs. Wadih, ça c'est clair. Et on va citer un livre que je vais vous recommander, et bi'idhnillah, tout au long de ces interventions, incha'Allah ta'ala, je vais essayer de pas être trop lourd pour vous, vous inquiétez pas, on va pas faire du non-stop jusqu'à ce soir, hein. Ici, incha'Allah ta'ala, Vous allez voir, je vais vous recommander des livres, en arabe surtout, et après en français, à la fin de la daura, inshallah, je vous donnerai une liste de livres. En arabe et en français, impératif dans votre bibliothèque, si vous voulez bien comprendre cette religion et avancer à apprendre la religion et transmettre la religion, inshallah. Il y a un grand livre, ici, qui est petit en taille, mais énorme en richesse, qui est un livre d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, que je vais vous citer tout à l'heure, inshallah, qui parle de fadlu ilm al-salaf ala ilmi al-khalaf. Ici, le mérite de la science des salaf, des pieux prédécesseurs, sur la science de al-khalaf, ceux qui sont venus après al-salaf. Et on va en parler, inshallah ta'ala. La science, elle est claire, ahibbati fillah. Qala Allah wa qala al-rasul bifahmi salafi al-umma. Aujourd'hui, khud aqwal al-ulama. Prends la parole des savants et n'ouvre pas des portes dont on t'a dit, ou on t'a pas ordonné, ou on t'a pas recommandé d'ouvrir, tout simplement. Et reste dans al-muhkam, ce qui est clair. Et ne tombe pas dans al-mutashabih, dans ce qui est ambigu. Et Allah en parle dans le Coran et on va le voir, inshallah ta'ala. Donc pour éviter de s'égarer, on a besoin de la bonne compréhension, inshallah ta'ala. Donc ici, ça va être des cours surtout sur quoi? On est des cours sur quoi, là? Surtout sur le minhaj. Et je sais très bien que ces cours-là, et vous le savez aussi, et j'essaie de les rendre. Et je suis qu'une petite cause. يعني وبالله التوفيق. On va parler de التوفيق. من الله عز وجل. De les rendre ici pas trop lourds, plaisants, intéressants. Parce que ces cours à la base, c'est des cours qui sont lourds. C'est pas comme si on allait faire et on a hésité sur la dawra au début. Est-ce qu'on fait sur un sujet qui va être plus attractif? Par exemple, la sira du prophète عليه الصلاة والسلام. D'accord? De sa naissance à sa mort. Bien sûr que ça aurait été peut-être plus plaisant pour la majeure partie des gens et ça aurait attiré plus de monde. Ou alors des sujets sur, on voulait faire sur Al-Janaïs du début jusqu'à la fin, toutes les règles de sur les rites funéraires, l'enterrement, etc. Lakin, fawarabbil ka'ba, c'est impératif de consacrer des cours sur le minhaj, sur Al-Aqida, sur Al-Tawhid, sur le minhaj, sur ça c'est impératif. C'est des cours qui sont plus lourds, mais impératifs. Je vais vous donner une sorte de métaphore. Parce que c'est bien de donner ici des métaphores et de faire travailler la raison tant qu'elle ne s'oppose pas à quoi? Al-Naql. Et tant qu'on ne fait pas devancer la raison sur Al-Naql. Et tant qu'il n'y a pas d'opposition. Et la khélis, on va le voir dans les détails. Ici, c'est comme si toi tu voulais prendre la route. Tu voulais faire un voyage. Safar. Et ici, on sait très bien que depuis ta naissance, tu as commencé un voyage. Et à ta mort, va s'achever ce voyage-là pour commencer un autre voyage qui va être éternel. Et ici, ce voyage qu'on est en train de tous parcourir, ici, on a besoin de quoi pour faire un voyage en général? D'une monture? On a besoin de quoi encore? Hein? De provisions, oui. D'argent, oui. Le plus important. Le plus important, vous avez oublié. Ce qui est un problème dans l'aqida. Là? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Une carte, ça sert à quoi? Même vaut mieux que t'ailles à pied et ben là t'avances dans la bonne direction que t'as une belle monture et t'as des provisions et t'as de l'argent et t'es khlas, maintenant c'est à tout, mais je vais vers où? Ça te sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont pas compris ça. Ils pensent que, et on va donner une métaphore, on va dire que la voiture, les provisions, l'entretien de la voiture, l'essence, tout ça, c'est ce qu'on entend souvent et ce qui est impératif. Ce qui est impératif, c'est-à-dire les rappels, ce qui va faire monter ta foi, ce qui va adoucir ta foi, ce qui va attendrir ton cœur, la mort, le rappel de la mort qui est un des meilleurs rappels, comment se comporter avec tes parents, comment agir en bien les bienséances quand tu rentres à la mosquée, quand tous les rappels, la sirah du prophète alayhi sallam, bien que dans la sirah on retrouve tout, tawhid al-aqida ila akhiri. Bien sûr, tu as besoin de tout ça. Lakin, on peut comparer cette carte-là à quoi? À le minhaj. À des cours de minhaj. Pourquoi? Parce que si t'as tout ça, alhamdoulilah, t'as appris comment faire tes ablutions, t'as appris comment te comporter, t'as appris, t'as énormément de choses appris, mais par contre, khalas, avec toute cette science que t'as eue, sur tous ces rappels, les actes d'adoration et la akhiri, tu viens et tu dis, bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais, moi, c'est pas grave, j'ai une bonne intention, mais je vais égorger pour donner fils à billet aux gens, mais j'ai envie d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu es tombé dans quoi? Dans le shirk. Et Allah il a dit quoi? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ce qui va faire perdre tout, rendre tes œuvres vaines, tout est annulé. Donc c'est-à-dire ça ne sert plus à rien. Pourquoi? T'as pas ici appris c'est quoi la bonne aqida, les bons dogmes, ce qui va te permettre de ne pas voir tes œuvres devenir vaines, de prendre la bonne direction, de pas tomber dans une secte égarée, et qui va faire que toutes tes actions peut-être vont tomber ou vont partir dans le vent, en poussière. Donc tu as besoin de ces cours-là. C'est-à-dire qui suivre, comment suivre, qu'est-ce qui annule tous ces actes d'adoration. T'imagines qu'il y a des gens qui font du bien, qui font le pèlerinage, qui font le khir, qui donnent de l'argent, qui donnent... Il y a des non-musulmans qui, entre guillemets, on parle de bien de façon générale, pas le bien dans l'islam, qui font du bien et qui est reconnu dans l'islam en soi-même en tant que bien, plus que beaucoup de musulmans. Lakin, ils n'ont pas concrétisé at-tawhid. Toutes leurs actions, elles partent dans le vent. Parce qu'Allah Jalla wa Ala a dit, toute personne qui agrée une religion autre que l'islam, hein, ça ne sera pas accepté de lui. Ça veut dire que tu as beau dire j'ai fait le bien, je suis l'abbé je sais qui, ou j'ai fait telle association, ou j'ai fait les restaurants de je ne sais quoi, ou j'ai fait. Allah Jalla wa Ala, c'est lui le riche. Et là on voit une faiblesse dans l'aqidah des gens. Oui, mais miskin, il a fait du bien. Mais subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce qu'Allah Jalla wa Ala a fait? Subhanallah, tu compares son bien avec Allah Azza wa Jalla, pas besoin de toi et de lui et de l'univers. Il va piller les cieux et la terre de sa main droite. Yawm al-qiyamah, il va dire ana al-malik, ayna al-jabbarun, ayna al-mutakabbirun, liman al-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. Toi, tu, Allah, il a besoin de toi, il a besoin de ta richesse, ou là, il a besoin de toi. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Jalla wa Ala dit wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Wa inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Celui qui le dit, il est que pour lui. Allah Azza wa Jal. Ici, il n'a pas besoin, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Donc Allah Jalla wa Ala, il te dit quoi? At-tawhid. Adore Allah Azza wa Jal sans rien lui adorer. Allah il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pourquoi? Pour m'adorer. Et Allah Jalla wa Ala t'a créé pour l'adorer, lui l'unique. C'est ce qui nous différencie des autres religions. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a révélé la Torah, c'est lui qui a révélé l'Injil, c'est lui qui a envoyé Isa, c'est lui qui a envoyé Moussa. Lakin, pourquoi Allah Azza wa Jalla est parmi la principale des causes pourquoi Allah Jalla wa Ala a envoyé Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim? Et pourquoi Allah Jalla wa Ala a envoyé comme envoyé Nuh alayhi salam? Parce que quoi? Qu'est-ce qui avait apparu? Ash-shirku billahi azza wa jalla. La chose qui est la plus détestée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui donner des associés. Ce qui rend toutes tes actions vaines. Ah, Moulay Foulan, il va aller voir Moulay Foulan, et il croit que c'est Moulay Foulan qui lui apporte le bien, loin de la volonté d'Allah azza wa jalla. Et à côté, il fait du bien. Toutes ces actions, ils sont nuls. Et s'il meurt sur cela, يَسْتَحِقُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا بِإِجْمَعِ الْعُلَمَةِ. S'il meurt sur cela, je dis pas il a fait ça, il s'est repenti. مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Alhamdulillah, tant que tu es vivant. N'importe quelle action que tu as fait. Mais si tu meurs alors que tu ne t'es pas repenti de la grande, الشِّرْكُ الْأَكْبَرِ, tu mérites l'enfer éternellement. Promesse divine, promesse de la part d'Allah Jalla wa Ala. Donc ça c'est grave, ça rend vain. Donc le principal c'est de prendre la bonne voie. C'est pas simplement d'apprendre des choses parce qu'il y a des centaines de sectes qui ont beaucoup de science dans le fiqh et qui font beaucoup qiyamul layl et qui donnent beaucoup d'argent fi sabilillah. Les gens ils croient même pas en Dieu, ils le font. C'est-à-dire des bonnes actions, donner de l'argent. Lakin, ici, ils n'ont pas concrétisé al-aqidatu sahiha, les dogmes purs, la croyance pure. Ils n'ont pas adoré Allah Azza wa Jalla comme il se doit sans rien lui associer. Et c'est pour ça qu'on a besoin des cours de aqidah comme on fait ici, al-sharh de al-aqidah al-wasitiya de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et des cours sur le minhaj aussi. Ça c'est impératif. C'est plus lourd, mais c'est impératif. Et c'est pour ça, bi-ibnillah Azza wa Jalla, ici je vais vous donner des fondements qui seront extrêmement importants pour suivre le bon minhaj. Et ensuite, il y en a besoin toujours de faire des cours de dogme islamique, de tawhid, de aqidah. Et c'est pas parce que tu donnes pas un cours le nom cours de tawhid que tu parles pas de tawhid. Et ça c'est encore les perroquets. On a parlé tout à l'heure des animaux, les perroquets. Oui, mais un tel il donne pas des cours de, excusez-moi du terme, mais quand j'avais dit, parce que quelqu'un a envoyé un message entre parenthèses hein, sur le dernier sermon que j'avais dit, quand j'avais dit oui, il vient, il sait même pas makharij al-huruf, et il dit des cours de tawhid. C'est pas, il a pensé que je critiquais les gens qui articulaient pas ou qui commençaient. Allah m'en était moins, hacha lillah, pas du tout, et je me prétends pas du tout être meilleur que l'un d'entre vous, plus pieux ou plus savant que l'un d'entre vous, Allah m'en était moins. Et je le dis, je le répète, sans fausse modestie. Mais quand je l'ai dit, c'est pas pour rabaisser les nouveaux ou les gens qui commencent, c'est pour rabaisser les personnes qui pensent qu'ils ont un grand niveau de science et qui critiquent les gens qui ne mettent pas comme titre dans leur cours cours de tawhid alors qu'ils n'arrivent même pas à dire tawhid comme il se doit. Ça, ça existe. C'est pour cela. Ceux qui pensent, voilà, des perroquets. Oui, il faut faire des cours de tawhid. Il va, il cherche sur internet. Ah oui, il n'y a pas de petit tawhid. Ah mon frère, même si tu lui dis, ah, je fais des cours de aqida. C'est quoi l'aqida? Subhanallah, on parle de quoi dans l'aqida? De tawhid ou pas? Ajib. Dans la sira, on parle de tawhid. Dans le fiqh, on parle de tawhid. Ibn Baz, ils ont dit, c'est quoi le meilleur livre à étudier sur tawhid? Il a dit quoi? Al-Qur'an al-Karim. On fait des cours de tafsir, on fait des cours, on parle de quoi? De tawhid. Ajib. Les gens, pour vous dire, il faut avoir ici raisonner. Et pas être comme une feuille qui se fait emporter par n'importe quel vent. Et ici, regardez comment tu te sens à l'intérieur de toi-même, ton cœur, comment tu le ressens. Wallah, il y a une parole du frère Cheikh Lotfi, hafidhahoullah ta'ala, de Montréal, qui m'avait vraiment touché quand j'étais parti à Montréal, quand il a fait une intervention. Et il a dit, sans rentrer dans les détails, il a dit une réponse à ceux qui disent, je ne sais plus qui écouter, je ne sais pas qui est... Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Pourtant, nous, c'est ça qu'on fait. C'est donner des bases scientifiques, ilmi, pour pouvoir avoir des bons fondements et des bonnes bases pour comprendre le minhaj. Mais lui, il a dit, sans rentrer dans ça, je vais te donner un moyen pour savoir est-ce que tu peux écouter une personne ou pas. Il dit, quand tu vois que tu te sens apaisé dans ton cœur, on parle pas de celui qui suit ses passions, hein. Non, mais tu te sens apaisé, c'est-à-dire à travers ce qui te transmet. Et que tu sens que tu changes, et tu sens que tu évolues, tu sens que ta foi, elle augmente, pourquoi tu te casses la tête? Il dit, khalas, ça y est. Pourquoi tu cherches quoi de plus? Les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent à quoi se sentir bien intérieurement, pour se sentir bien extérieurement. Que leur foi augmente, walillahilham. Et que tu changes, c'est-à-dire ton comportement, tu l'améliores et que tu apprends dans ta religion. Et que tu entends de la personne que quoi? Qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. Khalas, pourquoi tu cherches plus loin? Et wallah al-azim, une parole qui vaut plus que de l'or. Et à côté, on a besoin de preuves. Et on dit parce que la bonne intention ne suffit pas. Et quelquefois, quelqu'un peut se sentir bien et s'égarer. Mais je dis, à partir du moment où tu entends une personne qui, de façon extérieure, à travers ses paroles, il montre la sunna. Et il parle de sahaba. Il parle de sahaba d'Allah, du prophète alayhi salatu wasalam, de façon claire. Il n'y a pas d'ambiguïté de shubuhat. Pourquoi tu vas chercher plus loin? Et si tu veux écouter quelqu'un d'autre, ou plus savant, wa fawqa kulli dhi ilmin alim kama qala jalla wa ala fi surat Yusuf. Au-dessus de chaque détenteur de science, il est plus savant. Va écouter le kibar. Va écouter qui tu veux à partir du moment où c'est une personne de confiance dans ce qu'il transmet. Clair? Mais te dire, je n'écoute que un tel. Ou je n'écoute que les grands savants. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, disait, toute personne qui dit qu'on doit écouter que le kibar, il s'est certes égaré parce qu'il dit quoi? Il prétend quoi? Qu'il faut s'éloigner des gens de bien. Et c'est qui? C'est Ad-Du'a, ou Al-Mashaykh, qui sont, font pas partie de le kibar. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens de bien partout dans le monde qui transmettent ce qu'a dit Allah et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des plus prédécesseurs? Ça veut dire que tout cela, ça, on les jette à la poubelle. Donc ça, on arrête da'wa. Et lui, tu vas lui dire, va dans ces cas-là, mon frère, quand ta femme, elle te désobéit, et quand ta femme, elle va te crier dessus, et quand ta femme, elle va faire des choses mauvaises, ou vice-versa, toi, ma sœur, quand ton mari, il va te crier dessus, il va te maltraiter, il va faire des choses mauvaises, chut, tais-toi. Pourquoi? T'as pas de tezkiya et t'es pas un kibar. Tu fais pas partie du kibar. Tout simplement. Tais-toi. Comment ça? Allah il dit, qu'on infusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu. C'est qui le plus important? C'est toi et ta famille. Comment toi tu dis t'as pas droit d'appeler les gens au bien parce que t'as pas de tezkiya, c'est-à-dire une recommandation d'un grand savant? Et parce que t'es pas un grand savant, mais par contre à ta famille, t'as droit de jouer avec ta famille au savant. Ah mais ta famille c'est pas grave. Ben non, on suit ta logique. Fondée sur quoi? Sur al-ahwa, sur les al-ara, je vois, je crois, je pense. Et ben dans ces cas-là, tu ordonnes pas le bien à ta famille et à ta femme, et tu interdis pas le mal à ta famille et à ta femme, parce que tu n'es pas un grand savant. C'est le même tarif pour tout le monde. Mais tu vas dire, mais si, parce que ça c'est clair, et c'est de mon niveau, et ben c'est pareil. Celui qui fait avec les gens, si c'est clair et c'est de son niveau, alhamdoulilah, tu as pas de preuve que la majeure partie de ce qu'il dit c'est un égarement, eh ben agis comme il a dit Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, al-adil fil hukm, celui qui est équitable dans le jugement, celui qui pardonne le peu d'erreurs face à quoi? Au grand nombre de biens. Agis comme ça, comme a dit al-ulama. Sinon, si tu suis ta logique, tais-toi, ne parle à plus personne et fais comme un soufi, reste faire du dhikr et du tasbih toute la journée et tu parles à plus personne. Comme ça au moins, alhamdulillah, tu n'es pas un menteur envers ta propre personne. Et ici, ce minhaj là bi ibnillah azza wa jalla, ça va nous permettre aussi de comprendre quoi? Al-ikhtilaf, la divergence. Ici, quelle est la divergence qui est acceptée? Quelle est la divergence qui n'est pas approuvée et qui est rejetée, et comment se comporter face à la divergence? C'est ça les questions du minhaj. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut parler du minhaj. On va parler du minhaj. Mais pas comme certains le comprennent en utilisant que des textes qui les arrangent. Et on a dit, celui qui veut rester sur le wasati, il y a le juste milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit entre tous les textes. Et comme tu veux être équitable envers un savant, ou envers une personne avant de le juger, même une personne avant de le juger, qu'est-ce que tu fais pour être équitable? Tu vas réunir toutes ces paroles. Et tu vas mettre chaque parole dans son contexte. Pareil avec les savants. Si tu veux être équitable dans les savants, on dit, réunis toutes ces paroles à ce savant. Et remets chaque parole dans son contexte. Pourquoi il a dit, à quel moment il a dit cette parole-là? Il y a des gens qui prennent que des petits passages de savants. Ils disent, t'as vu, il a dit ça. Après toi, quand tu vas arriver avec un autre passage, ils vont dire, mais non, toi t'as mal interprété. Moi j'ai mal interprété. Pourquoi c'est pas toi qui as mal interprété? Parce que les gens, ils prennent que ce qui les arrange. Mais réunis toutes les paroles des gens de science. Et une personne de science, surtout dans le minhaj. Wallah, si tu n'as pas, si tu veux vraiment rentrer dans yani, les paroles de savant ou d'un savant, et de façon apparente, tu as l'impression qu'il y a une contradiction, eh ben, je te dis à ce moment-là, si tu veux vraiment connaître la vérité, il faut connaître le shir dans les détails. Moi, si tu me dis, moi j'ai écouté des centaines d'audios sur l'aqida, sur le minhaj, je dis pas des dizaines, des centaines, et j'ai réuni ces paroles, et moi je peux te dire pourquoi elle a dit ça, à quel moment et dans quel contexte, je te crois. Mais si tu me dis, j'ai pris un maqta une fois, j'ai écouté un dars du shir dans cette... Comme certains Cheikh Al-Uthaymin, la nuzaki Allah ahada, wallahi wa rabbi al-Ka'ba, c'est pas 50, c'est pas 60 audios que j'ai écouté, c'est des centaines et centaines d'heures de cours de Cheikh Al-Uthaymin qu'on a écouté. Et je peux vous dire que son minhaj dans les détails, on le connaît. Walillahi alhamd. Et je vais vous donner des références. C'est pas j'ai entendu, je crois, je vois, avec les références de ses livres, etc. Et vous allez revoir ces passages dans son livre, et prenez ce qui est avant, ce qui est après, vous allez voir s'il y a une contradiction, si on a joué avec les paroles du Cheikh. Mais des gens, non, ils prennent que des passages. Alhamdoulilah, on a pris beaucoup de livres et on a fait le charh et on a suivi beaucoup de cours et on a pris le cours du premier cours au dernier cours du shir. Et on a appelé al-ulama pour être sûr de certaines questions dont d'autres frères utilisaient des paroles de ces savants-là même en disant non, il a voulu dire ça. Nous, on les a entendus de nos oreilles et on va donner les preuves bi-ibnillah et on les entendra encore. Tout à l'heure, il y a le shir qui fait partie de kibar al-ulama. Il ne faut pas qu'ils nous disent oui, mais vous parlez des chouyours que personne ne les connaît. Ok, khalas, on va suivre votre logique. Il fait partie de la hay'a, du comité permanent de kibar al-ulama, des grands savants d'Arabie Saoudite. Cheikh Abdallah al-Mutlaq. Les gens vont dire encore, oui, mais lui, il y a Cheikh Fawzen qui a dit ça sur lui. Il y a des gens, les maladies dans le cœur. Ceux qui cherchent que les petites bêtes, qui cherchent les maladies. Ajib, ils font des réunions, ils sont ensemble, dans les décisions qu'ils prennent, dans des décisions juridiques, lui, Fawzen, etc. Non, lui, tu vois, peut-être toi, le petit qui, ça fait 6 mois que t'es rentré dans la religion et tu fais le perroquet, tu vas dire, oui, il sort de kibar al-ulama. Ah, parce que toi, t'es plus savant que les autres savants qui sont avec lui. Et donc, eux, ils ont pas estimé qu'il doit sortir, mais toi, t'as estimé. Je sais pas ce que tu fais ici, hein. Ni hijra, ni que travail concret, ni, le perroquet. Tu entends, il parle blablabla. Mais qu'est-ce que tu fais quoi? Si t'es un grand savant, va là-bas et frappe à leur porte. Ils sont à Taif, si tu veux aller. Si tu veux, je te donne même l'adresse. Tu vas à Taïf, tu frappes, tu dis, moi, ana min al-kibar, inshallah. Et je vais vous dire, moi, vous avez avec vous un bal mudil. Personne égaré qui égare. Mais vous êtes pas au courant. Donc moi, je suis là pour réformer. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Moi, je veux arrêter le munkar. Wallahi al-azim, ajib, ces gens-là. Et après, ils vont te dire, non, mais minhaj, pas minhaj. Khalas, on appelle l'ulama al-kibar. Vous voulez qu'on dise oui, comme si on n'avait pas de relation avec le kibar. Nous, on appelle, je sais pas, SOS, je sais pas quoi quand on a une question religieuse. Il y a que eux, ou il y a qu'un groupe d'élus, c'est un groupe d'élus, hein, qui ici, ils ont les contacts avec le kibar. Nous, on suit, je sais pas quoi. Quelquefois, on a l'impression, subhanallah, on fait partie des bouddhistes, ou quelquefois, on fait partie de, comment ils parlent sur des gens de la sunna, et comment ils critiquent quelquefois certains machirs, et tu vois le chir. Al-lihya, al-qamiz. Je dis pas tout est fondé sur ça. Mais quand même, il montre apparemment la sunna. Il parle avec des preuves. Qala Allah, qala Rasul. Il parle avec les savants. Il parle avec les explications de salaf, des savants. Non, c'est un égaré et qui fait partie des sectes qui sont vouées en enfer. Ajib ça, wallah. Et on va le voir, bi-ibnillah azza wa jal. Est-ce que le malaïka, ils ont divergé? Les anges. Le malaïka, ils ont divergé ou pas? Ils ont divergé. Est-ce que les prophètes, ils ont divergé? Adam, est-ce qu'il a divergé avec Moussa? Fis Sahih al-Bukhari. Adam avec Moussa. Sur une question concernant al-Qadar. Est-ce que as-Sahaba, ils ont divergé? Et là, ajib encore, wallah. J'ai fait un cours sur l'Aqida, al-Wasitiya. Al-Wasitiya de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. On a parlé de l'Ikhtilaf à un moment. Et on a parlé de la divergence. Et à un moment, j'ai parlé de la divergence sur des sahaba. Sahaba, ikhtalaf al-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. La divergence, ça a toujours existé. Ils ont divergé. Et on a parlé de la divergence sur ce qui a une relation de loin avec l'aqida. Et j'ai expliqué, je vais reprendre l'explication que j'ai dit. Il y a un frère qui a envoyé un message, encore sûrement un perroquet. Ou qui réagit comme un perroquet. C'est une haqiqa, une réalité. Shi'na am abayna. Qu'on le veuille ou non. Al-haq yuqal, la vérité, elle doit être dite. Et il envoie un message, copier-coller, c'est selon on les connaît. Oui, mon frère, attention, tu as fait un cours de aqida et tu as dit comme quoi les compagnons, ils ont divergé dans l'aqida et qu'on a le droit de diverger dans l'aqida. Et c'est interdit, il t'envoie des copier-coller. Ajib al-qawm. Wallahi al-azim ajib. C'est les gens qui... C'est les perroquets. Il y a des gens qui apprennent mais qui comprennent pas. Non, c'est vraiment des perroquets. Ah, al-habib, où on a dit que al-sahaba, j'ai déjà dit moi une fois, on a droit de diverger dans l'aqida et que les sahaba, ils ont divergé dans l'aqida. Je l'ai dit moi, ceux qui suivent les cours de l'aqida. On a dit quoi? Al-sahaba, ils ont divergé dans quoi? Dans l'aqida? Ou bien on a dit les paroles de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui est que al-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ils n'ont pas divergé dans les fondements et dans la aqida même, mais ils ont divergé avec ou dans des choses concernant des branches, des fondements, mais pas dans le fondement lui-même. Ah, c'est ce qu'on a dit. Et je reprends d'où j'ai pris la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son char de l'aqida al-wasitiya. Et il dit à Cheikh Al-Uthaymin, وقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة. C'est pas moi. Après, il dit, oui, Cheikh Foulan, il a dit, Ibn Taymiyyah, il a dit comme quoi, on n'a pas le droit de dire que les Sahaba, ils ont divergé dans l'aqida. Qui t'a dit qu'on a dit qu'ils avaient divergé dans l'aqida? Cheikh, il dit, فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق, ça veut dire quoi, مما يتعلق بالعقيدة? Ça veut dire quoi? Ce qui a, il y a un certain lien avec l'aqida. Ce n'est pas dans l'aqida, ce n'est pas dans les fondements de l'aqida, ce n'est pas dans les sujets d'aqida, dans les fonds. Mais il dit, il parle de la relation de loin. Et il dit à Cheikh rahimahullah, t'allais vous retourner dans son charh, qui est en langue arabe ici, concernant Ahlus Sunnati wal Jama'a. D'accord? Dans le début du charh, quand il explique les termes Ahlus Sunnati wal Jama'a, et il parle de Al-Jama'a. On a Al-Jama'a et son charh sur Al-Jama'a. D'accord? Et vous lisez. Et il dit, Cheikh, ici, Mithl, et il donne l'exemple. Dans quoi ont divergé ses compagnons? Il dit, هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه أم لم يراه? Est-ce que, ils ont divergé sur ça, est-ce que le prophète il a vu Allah avec ses yeux, c'est-à-dire clairement, ou est-ce qu'il ne l'a pas vu? Les compagnons, ils ont divergé sur ça, oui ou non? Ils ont divergé sur ça. Et il dit, ومثل, هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط? Est-ce que le châtiment de la tombe c'est sur le corps et l'âme ou bien simplement sur l'âme? Ils ont divergé sur ça, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici il dit ومثل بعض الأمور يختلفون فيها. Il dit لكنها مسائل تعتبر فرعية binisbatil lil usul. Il dit, mais ça, c'est des choses, c'est des questions qui concernent les, des branches concernant les fondements. C'est pas le fondement lui-même. C'est les branches concernant les fondements. Wa laysat min al usul. Et moi, dans mon charh de l'aqid al-wasitiya, je prends pas que les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, mais à la base, je prends ces paroles et je donne d'autres rajouts de paroles d'autres savants. Mais à la base, je prends toutes ces paroles. Mais je prends pas que. Donc j'ai cité ces paroles-là. واضح. إلى آخره. ثم هم مع ذلك إذن اختلفوا. لا يضل. Il dit الشيخ. لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. Et avec cela, personne n'a rendu égaré l'autre, contrairement aux gens des innovations. Alors, Ahlul Bidah, c'est comme ça. Et il y a des gens maintenant qui se disent de Ahlul Sunnah, wal Jama'a, et qui réagissent comme Ahlul Bidah. Ils rendent tout le monde égaré. Ils disent, bikhilafi Ahlul Bidah. Contrairement aux gens de quoi? De l'innovation. Qui eux, ils arrêtent pas de faire ça. Ils rendent égaré tout le monde. Ah, t'es égaré, t'es égaré, t'es égaré. Donc, les sahaba, ils ont divergé. Concernant des points qui font partie des branches, des fondements, pas des fondements en eux-mêmes de l'aqida. Ici, Al-Anbiya et Wal-Rusul, ils ont divergé. Comme on a Adam et on a Moussa alayhi salam, rapporté par Al-Bukhari. Et ici, le texte, il dit, Abu Huraira raconte que le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit, Moussa alayhi salam argumenta contre Adam alayhi salam et lui dit, Moussa il a argumenté, Moussa il a parlé avec Adam. Regardez le hiwar entre Moussa, baina Moussa wa Adam alayhi salam. Et il lui dit, c'est toi qui as provoqué la descente des hommes du paradis, tu les as rendus malheureux. Moussa il a dit, Adam, c'est à cause de toi, tu as provoqué la descente des hommes au paradis, du paradis, et ça les a rendus malheureux. Adam, alayhi salam, il a répondu à Moussa. Ils ont divergé ou pas? Ils ont été d'accord ou pas? Ils n'ont pas été d'accord. Est-ce que ça fait pour autant qu'on va dire, Moussa c'est un égaré? A'udhu billah. Est-ce qu'on va dire, Adam c'est un égaré? A'udhu billah. Donc, ikhtalafu. Al-Anbiya wa Rasul. Les prophètes, c'est arrivé qu'il y a eu des divergences. Ensuite, Adam répondu, ô Moussa, toi qu'Allah Jalla wa Ala privilégié, en lui révélant son message et sa parole, vas-tu me reprocher une chose dont Allah a décrété que j'allais l'accomplir avant même qu'il ne me crée? Vas-tu me reprocher une chose qu'Allah Jalla wa Ala qad kataba? Il a écrit déjà, il y a plusieurs versions de hadith qui vont dans ce sens. Et Allah, il a écrit toute chose combien de temps avant qu'il crée les cieux et la terre? 50 000 ans. Il a créé Al-Qalam. La plume, il a dit écrit. Tout ce qui va se passer. 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Rapporté par Al-Bukhari. Et ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith rapporté par Muslim Ahmad al-Nasa'i, il dit, alayhi salatu wa salam, c'est ainsi qu'Adam réfuta Moussa, alayhi salam. C'est comme ça qu'Adam, il a répondu à Moussa, alayhi salam. Les prophètes, ils ont divergé. As-sahaba, radiyallahu anhu, mardam, ils ont divergé. Al-Malaika, ils ont divergé. Al-Malaika, ils ont divergé? Na'am. Al-Malaika, ils ont divergé quand? Il y a plusieurs exemples. Et parmi ces exemples-là, quand la personne qui avait tué, 99 personnes, et il est parti voir un abid, un adorateur. Il lui a dit, Hal min tawba, est-ce que je peux me repentir? Est-ce qu'il y a un repentir ici? J'ai tué 99 personnes. Lui, c'était pas un alim. Regardez la différence entre al-alim ou al-abid. Celui qui adore Allah, mais qui n'a pas atteint le degré de savant. L'abid, il a dit, quoi, 99? Je peux pas te repentir. Il a dit, ah ouais, je te tue toi aussi. Khalas, ça sert à rien, je me repens pas. Bah, toi aussi, je le tue. Il a tué 100. Il est parti voir un alim, un savant. Il a dit, qui peut se mettre entre toi et Allah? Tu te repens, bien sûr. Si tu te repens sincèrement, etc., etc., tu te repens, khlas. Yani, je résume le hadith. Ensuite, il lui a recommandé de partir. Donc, il est parti de l'endroit, ici, où il a fait le mal, vers un autre endroit. Et sur le chemin, il est mort. Il y a les anges de Ar-Rahma, de la miséricorde, et les anges du châtiment qui sont descendus. Les anges du châtiment, ils ont dit, on va le prendre. Et les anges de la miséricorde, ils ont dit, non, on va le prendre. Ils ont divergé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il leur a été ordonné de compter quoi? Regardez la distance qu'il y avait ici de l'endroit où il est mort jusque l'endroit où il allait arriver. D'accord? Pour se repentir, donc pour partir d'un endroit où il a fait le mal vers l'endroit où il a fait le bien. S'il était plus proche de l'endroit où il allait arriver, d'accord, pour compléter quelque part son repentir, ici, et ben à ce moment-là, les anges de Ar-Rahma allaient le prendre. Mais s'il était plus près, s'il était plus loin et plus proche de l'endroit où il avait fait le mal, les anges du châtiment allaient le prendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était plus près de quoi? De l'endroit où il a fait le bien ou le mal? À la base, Allah Jalla wa Ala a fait qu'il se rapproche, parce qu'à la base c'était pas le cas, qu'il se rapproche, Allah il a fait qu'il se rapproche de l'endroit où il allait faire le bien, c'est-à-dire où il allait aller, alors qu'à la base non. Parce que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère et les anges de la miséricorde l'ont pris. Donc les anges al-Malaika, ils ont, al-Shahid, les anges al-Malaika, ils ont divergé entre eux. Al-Ulama, est-ce qu'ils ont divergé? Na'am. Est-ce que parce qu'un alim il fait une erreur même dans l'aqida, à la base on dit il n'y a pas de divergence dans l'aqida, on ne peut pas ouvrir cette porte et on n'a pas à ouvrir cette porte. Tu peux diverger, est-ce que je mets le qabd ici, les mains ici pendant la prière, ou je mets ici, ça c'est le fiqh, c'est la jurisprudence. Est-ce que ici des choses de jurisprudence, on parle de ici les choses. Et là même dans ça, les ulama ils disent qu'il y a deux types de divergences, réprouvées et non réprouvées. Non réprouvées quand il y a des textes, des deux côtés, et un ijtihad de personnes qui sont reconnues comme étant des personnes de l'ijtihad, des savants. Tu respectes. Voilà qu'une dans l'aqida, on n'accepte pas la divergence. D'accord? On n'ouvre pas cette porte-là. Voilà qu'une, même si quelqu'un diverge avec nous dans l'aqida, est-ce qu'on va dire que c'est un égaré? Alors imaginez-vous, les jeunes qui au jour d'aujourd'hui, illa man rahimallah, parce qu'ils vont voir qu'une fois t'as dit dans un, t'as cité un hadith qui, pour eux, il était da'if, alors que toi, tu as utilisé la parole d'un savant qui est sahih, ils vont te dire « dal, mudil, mubtadi', fasiq, wa ila akhir ». Bah, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Khalas. Si pour toi, tu considères qu'une personne qui a fait une erreur, ainsi comme je viens de citer, c'est un égaré, bah, pourquoi tu vas écouter Ibn Rajab? Pourquoi tu vas écouter l'imam Nawawi? Pourquoi tu vas écouter Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala? Pourquoi tu vas écouter l'imam Al-Bukhari? Même l'imam Al-Bukhari, mets-toi de côté, t'as pas le droit de l'écouter alors. Même Sahih Al-Bukhari, mets-le de côté. Donc t'écoutes qui? Ibn Kathir. Tu l'écoutes pas aussi. Il a akhir. L'imam Al-Nawawi, il est rentré dans un, il s'est égaré. Il s'est égaré. Dans l'interprétation de certains versets coraniques concernant At-Ta'wil. D'accord? Il est rentré dans At-Ta'wil concernant certains versets coraniques sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Nawawi, tous les savants le reconnaissent. On va parler les paroles de Cheikh al-Uthaymin sur ça. Al-Hafid ibn Hajar, كذلك. Ibn Rajab al-Hanbali, imam al-A'imma, كذلك. L'imam al-Bukhari, je vais vous donner l'endroit où il a fait les erreurs. كذلك. Dans quoi? Dans des choses graves. Al-Ta'wil. Alors imaginez-vous, maintenant les jeunes, ils voyaient que, un exemple, hein, je suis pas un savant, on est loin d'être même juste un, le tiers, du tiers d'un savant. Imagine maintenant, moi, je vais dire, sur un avis, sur l'aqida, je suis pas d'accord. Khlas, ils vont te broyer, ils vont te, je sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Pourtant, alhamdoulilah, on va dire la même aqida, les scènes, ou même des machères, ils vont dire aqida, rien à voir, rien à dire, rien. Mais pourtant, ils vont les, parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la divergence. Mais on part dans votre logique. Eh ben, n'écoutez plus cela, alors. Mais ils vont dire, non, mais les ulama, ils ont dit d'écouter. Ah. C'est parce que là, tu commences à comprendre que les ulama, ils ont compris la divergence pas comme toi, tu l'as compris. Est-ce que les ulama, ils vont se contredire dans leurs paroles? Ce qu'on ne redise pas, parce qu'ils ont une définition et une compréhension saine de la divergence. Et c'est pas parce qu'une personne a fait une erreur dans l'aqida que automatiquement et dans tous les cas, ici, il est connu pour son bien et pour sa science que tu dois le jeter ou le mettre de côté ou faire de cette personne-là un paillasson. Ça n'a jamais existé chez les salafs. Jamais. Ça a existé. Des preuves. Vous allez avoir les preuves. Bi'ibnillahi azza wa jal. Wadih. Et donc ici, on va avoir toutes ces preuves à travers le charh. Et le début, al-muqaddima du char, et l'akhiri, on va aller jusqu'où on peut s'arrêter. Et quand on s'arrêtera, alhamdulillah, ce séminaire sera terminé. Et bi'idhnillah, on fera un autre séminaire, inshallah, sur la suite, avec un autre titre. Mais ce titre-là, on va le traiter, bi'idhnillah, dans ce séminaire. Et ici, on va expliquer, inshallah ta'ala, ce livre-là, qui est un livre qui traite sur al-aqida wa al-tawhid. Mais on va parler beaucoup de as-sunnah. Et as-sunnah, عند المتقدمين n'a pas la même définition que عند المتأخرين. La sunna, elle n'a pas la même définition عند المتقدمين, c'est-à-dire عند السلف, que عند المتأخرين, ceux qui sont venus après. Quand on parle de sunna en général, pas tout le temps mais en général, عند المتقدمين, chez les salaf, ça voulait dire العقيده. Donc quand il parlait de sunna, il parlait de aqida, de dogme islamique. Ils utilisaient sunna pour dire al-aqida. Et en général, chez al-muta'akhirin, al-sunna, c'est quoi? C'est les paroles, d'accord? Et les actions, d'accord? Et l'approbation, al-taqrir, l'approbation du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète il parle, ou quand le prophète alayhi salatu wassalam il approuve, ou quand le prophète il a fait une chose, on dit hadha min as-sunna. D'accord? Et ça, c'est chez les savants de l'Ossoul. Ici, ils considèrent ça comme étant la sunna. Mais ici, c'est pour ça, c'est important de dire, pour rappeler que souvent quand on va utiliser la sunna ici, on parle de al-aqida. On parle de al-aqida. Wadih? Eh bien, ibn Allah Azza wa Jal, on va faire une petite pause. Pour pas que ça soit trop lourd, parce que ça fait déjà 1h20. Je pense que vous avez senti trop. Ça va? Pas trop. Donc, khair, inshallah ta'ala. On fait une petite pause, ibn Allah Azza wa Jal. Et je vous rappelle que, inshallah ta'ala, donc il est 16h30, on fait une petite pause, une demi-heure, inshallah. 17h. Et de 17h, on va reprendre à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, on va faire une pause jusqu'à l'asr. Et après l'asr, mubasharatan ba'd al-asr, non. Plutôt 3/4 d'heure après l'asr. Ici, à peu près, il y aura l'intervention du cheikh Abdullah al-Mutlaq, inshallah ta'ala, en direct ici. Quelques questions qui je lui poserai et qui seront posées ici, inshallah ta'ala. Et samedi, vendredi, bi'idhnillah azza wa jal, mubasharatan ba'd al-jumu'a, après la khutbah de jumu'a, il y aura l'intervention du cheikh al-Shabl, hafidhahullah ta'ala. C'est un docteur et qui est professeur en aqidah à Riyad et qui est un élève de grands savants, et parmi ses grands professeurs avec qui il a étudié, c'est le cheikh Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et ici, il nous appellera directement de Riyad, vendredi, directement après Salat al-Jumu'a, pour faire une intervention. Et l'intervention du cheikh ce soir, inshallah ta'ala, il fera pendant 30 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Et quand il terminera, après le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha sûrement, ici, je ferai la traduction de son intervention, inshallah ta'ala. Wadih? Donc on s'arrête là et on continue d'ici une demi-heure, il est 16h20. À 17h, on reprend inshallah. Wa barakallahu fina wa fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته